Bienvenue dans le secret du son là-bas. Bonsoir, Mister Melon. Salut Grigoula. C'est la rentrée, la grande rentrée, ça y est, on y est. C'est reparti, les grosses balles musicales sont chauffées à blanc. On a eu le temps tout l'été De réviser ou De sélectionner. Ah là là, et c'est parti, on va commencer. Le bon grain de livret. Ouais, ça on va essayer en tout cas, comme d'hab. On va vous jouer que livret. Ouais. Que spécialité. Que livret. En tout cas, une belle saison qui s'annonce. Toujours avec David, toujours à Maple. On remercie tout le monde. En tout cas, on va essayer de, comme d'habitude, de défendre et essayer de chercher évidemment le secret du son d'abat. Voilà, notre quête spirituelle, quasi sectaire, non, jamais sectaire, toujours ouverte, avec toujours des genres musicaux très différents qui sont confrontés, rencontrés, culbutés. On commence tout de suite et ça va être le choc des contrastes. On va au Congo avec un extrait de cette superbe compilation de International Sound Clash, c'est-à-dire la nouvelle compilation proposée par le label Sofrito Records, le label de Hugo Mendes et de Frankie Francis. On écoute tout de suite Keland et l'orchestre Mabatalai pour le morceau Pour chercher le mago. On était trompés dans la vie, c'est pour ça qu'on est là. À l'instant, donc, vous étiez en compagnie de Kaylan et l'orchestre Mamba Thalai. Excellente compi de Soundclash qui revient avec plus de zouk, plus de cumbia. On va de Trinidad au Cameroun, de la Colombie aux Caraïbes françaises. Voilà. Que vous dire que voilà, juste à l'instant on vient écouter de la pure secousse et que cet album, cette compilation est encore truffée de trésors à passer en soirée bien chaude. On poursuit avec Apollo Brown, de retour déjà. Voilà, de retour. Bah finalement il s'est pas passé beaucoup de temps entre, entre l'album qu'on avait bien aimé, voire beaucoup aimé avec Hassan McKay. Hein, on se souvient qu'Apollo Brown c'est un beatmaker comme on dit de nos jours. Voilà, il orchestre, il coupe, il coud, il fait du son, du très bon son, et il se fait toujours accompagner par des MC qu'il dégote ça et là. Donc après Hassan McKay, c'est au tour de O.C. Alors je vous renvoie notamment vers Noise Magazine où il y a une chronique dithyrambique que je partage à 200% où vous trouverez tous les faits d'armes et les références concernant ce MC. Que dire sur cet album qui s'appelle Trophies et qui est sorti toujours sur le même label, Mellow Music Group. Il se renouvelle gentiment dans son registre. Bon, on retrouve toujours les grands renforts de violonade et les samples bien sentis des 60s, 70s, plutôt 60s d'ailleurs. On reconnaît son registre, mais en même temps, progressivement, il évolue vers des sons parfois un peu plus froids, des sons un peu plus synthétiques. Pour autant, je pense que ceux qui le suivent, voire ses aficionados, dont nous sommes, mon cher Rigula, tomberont accro au deuxième morceau. Voilà, il y a des chialeries dont on raffole, voilà, c'est un petit côté, ça fait plaisir aux brutes, aux cœurs tendres, comme nous. On va s'écouter le morceau Nautica, c'est O.C. et Apollo Brown dans Le Secret du Son d'Abba. Possible thunderstorms over the next few hours. Hurricane Irene has made landfall this morning in New York City. The weather situation is much worse. The majority of the heaviest rain. The approximate touchdown point seems to be in the borough of Brooklyn, New York. Blowing through cities, category 5 as it flows through the midi. I shows no pity, hurricane winds churning up fear. Board up your houses, brace for what's here. 120 mile winds with strength and gusto. Batting down the hatches, asking what in the fuck for. Windmill signaling the eye of a storm. Touchdown, tearing shit up, winds beyond norm. Buckets of rainfall, rip up screen doors. Monsoon weather, howling like stray dogs. Hail coming down the size of regulation baseballs. Me and Mother Nature's in the face off. Flooding suburbs and hoods. Washing the entire forest away for good, or where an empire stood. Dire consequences. Reality sharp as barbed wire fences. Flow with a vengeance. I hope y'all ready for the big beast drum. I see I gotta preach and teach to read some. A vivid concept to reach at least one. If I touch a few and they love it, my job is done. As if the levees been breached. Vehicles flow out of parking spots sideways, blocking up the streets. Some lives get extinguished, many survive, others don't. Dead bodies bloated, weightless flesh floating. Mother nature's ferocious. So who's to blame to be the culprit? Death I'm against the Lebanon Dorsum. Callahan the Forcer, witches brew, a sorcerer. Water tides rise, given the nickname Nautica. Contingency plans seen overseas. Salt water smell in the air, unlike a breeze. Boil water to still clean to kill off disease. The earth's paid back for all of God's reprieve. Trenches turn muddy, water levels rise up. Way above sea level, meet God or the devil. Thunder cause racket as of Greek gods warring on Mount Olympus. I hope y'all ready for the big beast drum. I see I gotta preach and teach to read some. A vivid concept to reach at least one. If I touch a few and they love it, my job is done. I hope y'all ready for the big beast drum. I see I gotta preach and teach to read some. A vivid concept to reach at least one. If I touch a few and they love it, my job is done. People are lost, far from home. Apocalypse redux, back to basic. Carve a boat out of a tree trunk. Gloomy days, Nissan. From the aftermath of nature's fury. The song surround sounds eerie, transatlantic. Travel abroad and cause panic as a couple hundred thou just vanish. Emergency response overwhelmed with volumes of calls, civil arrest, calling the National Guard. It's hard to gain order when the culprit is water, knowing to change form at the drop of a quarter. Fluidity change course, admittingly I rain on acid washer. Precipitation from great clouds, twist this touchdown, vibrating the ground, sounding like freight trains. For thrill seekers it's frightening, possess the power to repeat another ice age. Head crack the earth in half like it's a dice game. I hope y'all ready for the big beast drum. I see I gotta preach and teach the reach song. A vivid concept to reach at least one. If I touch a few and they love it, my job is done. I hope y'all ready for the big beast drum. I see I gotta preach and teach the reach song. A vivid concept to reach at least one. If I touch a few and they love it, my job is done. Like John Connor, mama, I be running every day. 'Cause if I get caught, it's my life. hommage à peine voilé au Nigger with Attitude avec le petit fuck the police de fin de morceau. Mais les rondeurs synthétiques typiques d'une production à la LP, on est donc bien sur un disque produit par LP et c'est Killer Mike, son petit protégé, je ne sais pas si c'est son petit protégé, son poulain, enfin il y a quand même, c'est quand même son cinquième album à ce garçon, je ne sais pas s'il a été systématiquement produit par LP. Je ne me suis pas plongé dans sa discographie. Quoi qu'il en soit, ce rap music, nom de l'album, est solide. Plutôt sympa, sorti au printemps 2012. J'ai lu sur un blog contenait là un masterpiece. Je suis pas bien sûr que ce soit quand même non plus un chef-d'œuvre. C'est un bon petit album de rap assez varié, avec des hommages ou influences. Assez assumé à l'image de ce Dondai qu'on vient d'écouter, mais il y a d'autres ambiances, il y a des côtés assez politisés sur certains titres, des samples qui, on va dire, assez ronds, enfin voilà, LP, hein, ça peut plaire à un plus grand nombre, c'est pas du rap trop exigeant. Je pense que voilà, c'est toujours entre les deux, c'est du rap d'ouverture, voilà, ouais. c'est ça qui est intéressant chez ce garçon. Chez LP, et on l'a pu l'entendre sur son nouvel album là, qui est quand même assez terrible, que moi voilà. J'aime beaucoup, qu'on passera pas parce qu'il passe partout ailleurs, mais qui est vraiment toujours dans cet entre-deux, c'est-à-dire autant catchy mais avec des ambiances, avec des constructions particulières, un art du sampling qu'on n'entend pas partout, un travail sur sur des textures qui est particulière, qui est une vraie patte. Qu'on reconnaît assez voilà, volontiers. Et hein. Voilà, bah, déjà, c'est pas mal. Donc, Killer Mike, LP, c'est parmi les albums de l'été, en tout cas en rap. Après, de là de dire que c'est des masterpieces, on verra, voilà. les années nous le diront. Exactement, rap music, donc sur Williams Street, le label. On poursuit avec une jolie surprise. On va se faire un doublé, ouais. Ouais, et un truc qu'on s'attendait pas vraiment, c'est la rencontre assez incroyable entre, puis finalement pas si étrange que ça, entre Nene Chiri et The Thing. Voilà, on va se faire un doublé autour de Matt Gustafson, d'abord The Thing et puis ensuite Fire, mais tout d'abord parlons effectivement de cette jolie rencontre. Alors bon, ils n'ont la bande de Gustafson, le saxophoniste suédois, ils n'ont jamais caché leur admiration pour le beau-père de Nene Cherry, Don Cherry. Est-ce que ça explique la seule explication pour cette rencontre, je ne suis pas sûr. Disons qu'il y a eu une communauté d'esprit. Voilà, ils habitent dans le même pays, ils sont de la même origine, si je me souviens bien. Donc, ouais. Voilà, il y avait une communauté d'esprit et d'intérêt. Il y a des Nene Cherry qui s'étaient fait discrètes, effectivement, après ces tubes, ces jolies réussites. On va dire mainstream, hein, dans les années 90. Bah, elle faisait un groupe, j'avais même vu un reportage assez long sur elle, où en fait elle avait un groupe qui était plus itinérant aujourd'hui, dans un truc un peu... pas manouche, mais un truc trip-hop manouche. Quoi. elle est habituée des hiatus musicaux, des pseudo-disparitions, c'est-à-dire que voilà, elle fait dans des choses plus underground, on va dire. Dans une approche éloignée du music business, en tout cas l'été. Quand on connaît là d'où elle provient, à la fois bon, son beau-père et puis son début dans les squats londoniens autour des Slits et du pop group, etc., on ne sera pas vraiment surpris, on ne sera pas surpris non plus de son ouverture d'esprit, pas plus que de celle de Gustafson et sa bande. Ça donne un joli album, on va dire, entre pop soul et free jazz, avec des chansons, je ne sais pas si elles sont... J'ai l'impression qu'elles sont pour la plupart écrites par Nene Cherry. Non, et certaines sont écrites par Don Cherry, justement, son beau-père. Il y a un peu de tout, j'ai l'impression... en tout cas voilà, il y a aussi une reprise de Suicide, dis donc, je découvre ça au fur et à mesure que je discute. En fait non, voilà, c'est un album où il y a à la fois des morceaux écrits par Nene et puis d'autres par effectivement des reprises tout simplement. Et voilà, on navigue entre quelque chose qui plairait très très vite au plus grand nombre et puis vraiment des ruptures comme seuls les free jazzers savent les faire, qui nous paument complètement dans leur jeu pour revenir sur le morceau initial et sur la mélodie de départ, et c'est tout à fait savoureux. On va s'écouter le morceau qui ouvre l'album, qui s'appelle Cashback, qui est un des plus péchus. On pourrait peut-être regretter que l'album soit peut-être pas plus dynamique. Il est assez cool dans l'ensemble. J'aurais peut-être aimé, moi, qu'il soit un peu plus tempétueux. En tout cas, ce cashback, il est vraiment fameux. Ouais. Quand on connaît Mads Gustafsson sur scène, on sait que ça peut être relativement tempêteux, mais la preuve, il peut faire autre chose. Nene Cherry and the Thing, dans Le Secret du Son d'Abba. Cash. Fire avec Oren Embarki. Fire, donc un autre projet du saxophoniste suédois Mats Gustafsson. C'est le feu dans mes oreilles. Hein. Et voilà, invité le guitariste australien, je crois bien qu'il est l'ami Embarki. Enfin, il passe son temps en Europe. Ouais, on le voit beaucoup dans le coin. Voilà, que ce soit avec Sun ou avec d'autres. On le voit au Japon aussi. Avec Keiji Aino. Voilà, il a enregistré plusieurs disques, je crois, récemment avec Keiji Aino. En tout cas, voilà, c'est pour le label Rune Gramophone. C'est In the Mouth, A Hand. Fire avec Oren Embarki. Et c'est... Il y a 4 morceaux dont 3 sont très longs, et là voilà, on s'écoutait on va dire la première partie de celui qui se nomme And the Stories Will Flood Your Satisfaction with Terror. Et à l'image de ces quelques, cette petite dizaine de minutes qu'on vient de s'écouter, ben voilà, on est vraiment dans quelque chose de très tendu entre free jazz et noise rock progressive, ouais, on va dire quelque ouais, chose comme ça, c'est comme un peu ça. Voilà. C'est puissant, c'est C'est un peu épique. C'est assez épique. Moi, je crois que je suis vraiment tombé hyper fan de ce disque. Et c'est pour ça qu'on n'a pas été les voir à Nantes. C'est pour ça qu'on est assez cons pour les avoir ratés. On savait qu'ils jouaient, on va être honnête, ouais. Mais on peut pas être partout à la fois. Et effectivement, j'espère que certains d'entre vous auront eu la chance et pourront nous en faire saliver d'ailleurs suite à la prestation. Encore pour les... mieux, j'espère qu'ils ont annulé, comme ça on n'a aucun regret. Ouais. Parce qu'on est des sacrés enfoirés. Ouais, on est des belles salopes. Voilà, en tout cas, vraiment. Ça jouait donc, c'est quoi, c'est les Nuits de l'Herbe ou un truc ouais, comme ça, ce festival sur les bords de l'Herbe, voilà, en début septembre. Et ce projet, voilà, Fire et Oren Embarki étaient présents, on espère que c'était très bien. On espère qu'on les verra un jour. Nous. Ouais, bon. Max Gustafsson, il est souvent dans le coin après. Il joue souvent, ouais. Voilà. Avec The Thing, il était venu jouer au Panonica il n'y a pas si longtemps. Au printemps 2012, enfin, voilà. Donc, 2000, c'est pas quelqu'un de rare, fort heureusement, pour nous. Mais pour l'avoir vu 2 fois en concert, il faut surtout pas le louper. Il est juste extraordinaire. On reste dans l'épisme, dans l'épique, la musique puissante. Répétitive, saccadée, obsédante. Ouais. On va parler des Swans, évidemment. On va parler du retour, finalement assez rapide, hein, du père Michael Girard depuis qu'il a relancé la machine avec des Swans. Après l'excellent My Father Will Get Me Up, A Rope to the Sky, sorti en 2010. Terrible album sorti sur Jungle Records, bien sûr. Après un live sorti l'an dernier, fin d'année, We Rose From Your Bed With The Sun In Your Head, dont on n'a pas passé d'extrait mais qui est vraiment excellent, que je vous conseille vivement. Les Swans sont de retour en 2012 avec un album qui s'appelle The Seer, qui a été enregistré un peu pendant cette tournée qui a suivi My Father Will Guide Me Up and Rope to the Sky. On avait pu entendre déjà un morceau de ce The Seer lors de leur passage au Roadburn 2011. Et on va écouter un extrait qui s'appelle Mother of the World. C'est un album un petit peu inégal, dans le sens où y a différentes ambiances. Et c'est vrai que c'est un petit peu... C'est peut-être le track listing qui fait ça. On ne rentre pas complètement dedans, on décolle, puis des fois on retombe, on redécolle et on retombe. Ce qui fait que c'est un album plutôt qu'inégal, je dirais, qui est plutôt hétérogène en fait. Voilà. Et pourtant, il y a un grand morceau qui s'appelle The Seer, qui est donc le titre album, et qui est magnifique, qui fait pas loin de 30 minutes. 23, je crois. Ouais, qu'on vous passera pas. On va juste écouter un qui fait pas loin de 9 minutes, c'est pas Mother of the World. Voilà, tout Swan c'est de là-dedans, hein, quasiment. Donc je vous souhaite une bonne écoute et je peux que conseiller vivement cet album, même si il est peut-être un cran en dessous que le précédent, mais le précédent était tellement titanesque que c'était difficile. Voilà, les Swans restent les Swans et c'est pour notre plus grand bonheur. Évidemment, ne le loupez pas en concert. Mother of the World, les Swans dans le secret du son là-bas. We'll be right back. and where are you now, oh mother of the wild? How we feed from your hand and we dream your fill and your all, so send them down to scrape and suck the soil, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Keep us safe inside your damp and rusty core, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Converge dans le secret du son d'Abba, donc tiré de ce split 7-inch avec Napalm Death, c'était le titre No Light Escapes, voilà, tiré de la session de All Will Love Will Leave Behind, le nouvel album de Converge attendu début octobre 2012 sur Deathwish et Epitaph, un album évidemment toujours très attendu, hein. Converge c'est toujours... toujours très bien, il faut bien le dire. Un split 7-inch avec Napalm Death qui évidemment a un goût de trop peu, hein, parce que deux morceaux chacun, ouais, c'est clair. C'est bien trop court, bien trop juste. On va quand même s'écouter Napalm Death très en forme avec le morceau Will By Moss, qui avait sorti Napalm Death un très bon album début 2012. En termes de grindcore, on a l'impression que plus ils vieillissent, je pense aussi à Brutal Truth et Nazum qui est de nouveau sur la route avec un nouveau chanteur, plus ils vieillissent les grindcoreux, plus ils sont forts, plus ils sont bons. Alors je dirais bah, tant mieux. Et on écoute Napalm Death avec Will By Moss dans le secret du son d'Abba. The great system, hard to see, The Beer dans le secret du son d'Abba avec leur nouvel album Infinity Overhead sorti sur Suicide Squeeze, et le morceau c'était Still Our Blood, le single très très pop. Très, dès que j'ai le dos tourné, tu mets de la pop. Ah bah salon. Ouais, c'est clair. Alors mais en même temps, on dit que c'est de la pop, c'est plus de la prog pop indie, des choses quand même. C'est assez complexe. C'est pour ça que ça marche pas. Hein, parce que Menus de Bière, ils essayent de faire des pop sons, puis en fait, ils n'y arrivent pas parce ils rajoutent des trucs. La mélodie là, elle était quand même limpide quoi. Eh bah ouais, mais t'as vu les guitares, les arrangements derrière, la basse qui bastonnait derrière, parce que le bassiste c'est quand même l'ancien mec de Dizzy Snakes. C'est quand même l'ancien guitariste de Butch, alors il veut pas faire des trucs trop simples et tout ça, donc ça marche pas quoi. Ça devrait plaire au midinette, ça devrait cartonner, mais voilà. C'est peut-être pour ça que j'aime autant hein, Minus the Beer. En tout cas, ce nouvel album est quand même un peu moins cosmique, un peu moins atterré, un peu plus direct, un peu plus raide. Sur la longueur, voilà, moi je... Et c'est ça qui te plaît. Ouais, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette formation qui plaît quasiment à personne en France, parce que c'est vraiment très très très américain pour le coup. Y a pas un son anglais là-dedans, ou alors complètement déformé. Et je sais que les Français sont toujours très attachés à qu'il y ait un tout petit peu un truc qui leur rappelle l'Angleterre à un moment donné chez les Américains. Et c'est vrai que Minus the Beer, c'est vraiment, je dirais que c'est plus Pearl Jam qu'autre chose. Donc c'est vrai que ça fait dans un genre complètement différent, bien sûr, mais dans l'esprit, quoi. Très américain. Voilà, Minus the Beer, on poursuit avec... On revient en France avec un projet que j'aime bien, qui a un nom curieux, une espèce de formule chimique imaginaire, 2-méthyl-bulbe-1-ol, c'est une formule tout droit sortie de l'esprit d'un jeune garçon là, qui en est à son Nico, de chimie, qui... là, ou... ouais, ça me rappelle mes jeunes années, tout ça. Mmh. Il nous vient de l'Est, hein, c'est la bande, on va dire... du côté de entre Strasbourg et le Jura, quoi, pour entre Strasbourg et Montbéliard, il y a une espèce de nébuleuse de freaks fort sympathique et de Méthil en fait partie. On va s'écouter un extrait du Golem EP paru pour le label français Overclock Heads, un label de ses potes. Hein. C'est son, on va dire, c'est son cinquième EP si on compte ce fait, je dirais, en compagnie notamment de Niveau Zéro. Celui fait en compagnie de Niveau Zéro pour Ruff, l'un des sous-labels de Peace Off. Et puis il avait fait un 12 inch aussi tout seul pour Peace Off en 2011. Donc voilà, c'est quatre titres, enfin trois titres originaux plus un remix signé Eck qu'on connaît pour ses albums ambiante d'abord, et puis plus récemment il s'est lui aussi mis au dubstep. Donc là on est dans le dubstep pur jus. Le mot est lancé. Il évite quand même soigneusement les roulés de mécanique pour adopter une posture peut-être un peu plus modeste, plus subtile, avec des jolis travaux de sonorité et de crypto mélodie avec des jolis motifs. Moi j'aime bien l'image de Device qu'on va s'écouter tout de suite. C'est du vinyle et c'est donc sorti tout récemment sur Overclock Eggs. C'est 2-méthyl-bulbe-1-ol. Thank you. stress dans le secret du son d'Abba, je me suis rendu compte qu'en fait on avait fait l'impasse sur ce super projet. Moi c'est vrai que c'est un projet qui a déjà quelques années, mais que je suis attentivement, parce que chaque disque est assez différent, il explore complètement les contours et va au-delà bien sûr de l'électro, de la techno et même de la house music. Et c'est rares sont ceux qui arrivent à me faire à côté de la house music. Alors elle est évidemment pas c'est pas dans les canons, hein. Non, c'est une house très modifiée, passée par moult filtres et avec un spleen avec un vrai spleen et des rythmiques qui sont comme ça un peu étouffées, des ambiances un peu fantomatiques en arrière-fond que ne renierait pas Dem Dyke Easter ou d'autres, ou les gens de Blackest Ever Black. C'est le projet de Darren Cunningham. Donc je le disais, pas, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il a un label qui s'appelle Verk Disc, qui avait d'ailleurs contribué à lancer... Dis-moi. La bande qui fait 3x3 Cloaks, notamment, qui avait signé un EP il y a quelques années sur ce label-là, donc... On n'est jamais complètement perdu, et il faut savoir que pour ceux qui ne connaîtraient pas Actress, voilà, il a son précédent disque Splatch qui était sorti en 2010, avait vraiment eu les honneurs de la presse papier comme de la presse en ligne, avait terminé dans les 5 voire dans le trio de tête des meilleurs albums de l'année chez The Wire, chez Fact Mag, chez Pitchfork. Autant dire qu'il est plus que repéré. Donc c'est un anglais et il a participé à l'aventure DRC Music de Damon Albarn, dont on avait longuement parlé l'an passé. Et voilà, ça c'est son nouvel album RIP. C'est aussi sorti comme le précédent chez Honest John, le label londonien, dans lequel justement Damon Albarn a, je crois, quelques billes. Et c'est vraiment un très très beau disque, voilà, de crossover entre ces différentes sphère musicale, techno, électro, house, vraiment avec les sons d'aujourd'hui, les sons de demain. Moi, en première approche, j'étais un peu passé à côté, je le trouvais un peu terne, parce que faut pas, encore un disque pendant lequel il faut pas faire sa compta ni faire la vaisselle, il faut se contenter de caresser son chat et de savourer, voilà, pour en saisir toutes les subtilités, les arpèges, les miroiteries, les jeux de miroiterie, etc. C'est vraiment très très beau et je le recommande. Dans le genre complètement différent, mais dans ces faux airs de genre et pourtant Austin Townsend, le néo-zélandais, on reste dans le Commonwealth, hein, avec son folk un peu en clair-obscur, un peu décharné, un peu branque-ballant, mais magnifique, auteur d'un premier album qui date maintenant, sorti chez Potager Nature, qui était vraiment très très beau, que j'aime beaucoup, que j'écoute très souvent. Il vient de mettre en ligne un EP ou un LP, c'est lui qui le décidera, de morceaux enregistrés en 2010. Et qui viennent juste de sortir du maquis là, sur son Bandcamp. C'est en libre téléchargement, donc autant y aller. Austin Townsend, qui habite entre l'Aquitaine et le sud Charente, le néo-zélandais, il sort très rarement de sa campagne, et pourtant souvent accompagné par Thomas Bonvalet de l'Ocelmar Cheval de Frise ou par les Radical Satan. Et oui, on est entre bonne compagnie, et influencé par Nick Drake, Tom Waits, Leonard Cohen, mais vraiment pas que, vraiment, vous allez voir, l'esprit quand même beaucoup plus maladif qu'il le laisse croire, en tout cas au premier abord. En tout cas, c'est un super folk qu'on écoute tout de suite, trop méconnu, que je recommande chaudement et que je rêve de voir en concert. Et sur lequel nous nous guittons. Exactement. Austin Townsend, à très bientôt dans une nouvelle émission du Secret du Son là-bas. The market is hard. Christmas. I could let the thought, I could